J'étais chanteur dans un groupe qui faisait toutes mes chansons en anglais. On s'est connus un lundi après-midi au parc de Sceaux, dans l'allée, tout au bord du Grand Canal, à deux pas de la canale. Je t'aimerai dans 20 ans, bien plus encore. Je changerai tous les mots de mes chansons. J'inventerai un langage sans fin et sans âge pour tous les deux. Je t'aimerai dans 20 ans, bien plus encore. Je changerai tous les mots de mes chansons. J'inventerai un langage sans fin et sans âge pour tous les deux. Tu étais encore lycéenne chez les sœurs à Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine. Tu m'as aussitôt reconnu, moi le chanteur du Lost Garden, sous les grands marronniers, assis tout seul. J'aimerais dans 20 ans, bien plus encore. Je changerai tous les mots de mes chansons. J'inventerai un langage sans fin et sans âge pour tous les deux. Et chaque nuit qui viendra, sur les marronniers glacés, je chanterai seul, tout seul. Et lundi après-midi, pour tous les oiseaux transis du parc de Sceaux, je t'aimerai dans 20 ans, bien plus encore. Je changerai tous les mots de mes chansons. J'inventerai